Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises de ce début de siècle. En novembre 2000, Loïc Séché, 40 ans, est interpellé pour le viol d'une adolescente de 14 ans. Pendant toute l'instruction, il nie les faits, il le répète, il est innocent. Comme bien souvent dans les cas de viol, il n'y a ni témoin, ni preuve matérielle, c'est parole contre parole. Ici, c'est l'accusation d'une adolescente en grande détresse contre un homme dont le portrait dressé dans le dossier judiciaire a tout du coupable idéal. Présenté comme alcoolique, dépressif, au chômage, Loïc Séché aurait même, selon les experts psychiatriques, de manifestes aspects de pédophilie. Alors, en première instance, comme en appel, le verdict des jurés est le même, 16 ans de prison. Plus de 7 années après, Émilie, la victime, fait marche arrière et envoie à la justice une lettre qui relance l'affaire et bien plus encore, qui en constitue le tournant. On peut y lire « Loïc Séché est innocent et je ne supporte plus de le savoir en prison ». Signé Émilie. Notre invitée aujourd'hui, maître Cécile de Oliveira, l'avocate d'Émilie. Elle se rend du Plex de Nantes. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 27 novembre 2000, la chapelle Saint-Sauveur, près de Nantes. Ce jour-là, dans un froid glacial, Loïc Séché reçoit dans sa ferme une visite inhabituelle, celle des gendarmes, qui lui disent « Nous venons pour vous convoquer à la gendarmerie, nous aimerions vous poser quelques questions. » Aucun détail sur l'affaire, pas de menottes non plus. Les gendarmes lui font entièrement confiance. Loïc Séché doit déposer des documents en ville. Ok, pas de problème, il n'a qu'à se rendre à la gendarmerie plus tard, dans la matinée. Forcément, sur le trajet dans sa voiture, Séché est perplexe. Qu'ai-je bien pu faire? Avec cette vitesse, témoin d'un accident? Un proche qui aurait des ennuis? Arrivé dans la salle d'attente, il est loin d'imaginer ce qu'un des gendarmes vient lui annoncer. Monsieur Séché, vous êtes en garde à vue pour agression sexuelle. Loïc Séché est assommé par ces mots, garde à vue, agression sexuelle. Et puis, tout s'enchaîne très vite. Est-ce qu'il veut un avocat? Non, pas besoin, on a dû m'interpeller par erreur, se dit-il. Alors, Loïc Séché explique sa situation. Ancien ouvrier agricole, il travaille dans un golf depuis 1991. Bon, pour le moment, il est en arrêt maladie, problème de dépression. Mais il veut rebondir. Il a trouvé d'ailleurs un accord avec son employeur pour un licenciement à l'amiable. Et il compte refaire sa vie en Savoie. Oui, il s'apprête à déménager. Bien. S'ensuit des questions plus intimes. Vie sentimentale, dernière relation sexuelle. Face à cet interrogatoire intrusif, Loïc Séché leur confie. Je suis attiré par les hommes. Les gendarmes l'assaillent alors de questions. Avec qui, comment, où? Gêné, Loïc reste vague. Pouvez-vous en venir aux faits? Un gendarme montre alors une grosse pile de dossiers et lui lance « Toutes ces femmes t'accusent d'agression sexuelle ». Voilà, pas plus d'explications. On l'emmène en cellule. Isolé, déboussolé, l'homme fait l'inventaire de ses anciennes relations pour savoir qui a bien pu déposer plainte contre lui. Il l'explique dans le livre « Le calvaire et le pardon ». Seul le souvenir d'une relation sexuelle que j'ai eue 2 ans plus tôt avec Paul, un jeune homme de 18 ans, me semble plausible. Cela s'est passé un dimanche soir chez lui devant un match de foot copieusement arrosé. Nous nous étions rapprochés. Je sais qu'il avait regretté par la suite cette brève aventure. Cependant, nous étions restés bons amis après cela. Et j'avais même sympathisé avec sa mère qui était au courant de la situation. Cette dernière ne voulait pas croire en mon homosexualité. Toujours est-il que de confidente, elle est devenue amante. Peut-être qu'elle ou son fils éprouvent maintenant des remords. M'en veulent-ils pour une raison que j'ignore? Je sais qu'à la chapelle Saint-Sauveur, où les commères du village ont mal de sensations fortes suivent mes moindres faits et gestes, cette relation était mal perçue. De retour en audition, les gendarmes évoquent une proposition indécente que Loïc aurait faite à la femme d'un ami. On lui parle ensuite d'une autre femme, Catherine. Encore des avances. Alors il s'insurge. Il n'a pas fait ça. Et le ton s'échauffe. On le traite de pédé, d'alcoolique, de pervers, d'obsédé sexuel. Et puis on lui rappelle un autre épisode. Une main aux fesses de la jeune Sonia, la fille Catherine, lors d'un bal. Oui, c'est vrai, répond séché, l'alcool, la fête. Bah, je me suis laissé aller. Alors les gendarmes lui balancent. Tu es un violeur, il faut avouer. C'est seulement après 15 heures de garde à vue que les gendarmes annoncent à Loïc le motif de sa présence. Émilie vous accuse de viol. Émilie, c'est la sœur de Sonia. C'est une voisine, une ado de 14 ans que Loïc connaît depuis des années. Alors il s'insurge une deuxième fois, mais enfin, je n'ai jamais eu d'agissement sur Émilie. À la fin de la garde à vue, il refuse de signer certains procès-verbaux. Un gendarme lui rétorque. T'inquiète pas, séché. De toute façon, on a assez de charges contre toi. On va te déférer devant le procureur, et là tu vas morfler. Tu vas finir avec les pointeurs, et tu sauras ce que c'est que d'être pédé. Malheureusement pour Loïc, le scénario du gendarme se réalise. Déféré devant le parquet, il est incarcéré dans la foulée avec l'étiquette du violeur. Un mois plus tard, la veille de Noël, il écrit une lettre de détresse à ses parents. Chers parents, c'est avec les larmes aux yeux que je commence à vous écrire des lettres. Vous comme moi devons subir ce calvaire, et il y a des moments où si j'avais la solution, je mettrais fin à cette souffrance. Toutefois, je sais que je ne dois pas baisser les bras. J'ai déjà subi d'autres épreuves, mais celle-ci restera certainement la plus difficile à cicatriser. Être humilié comme je l'ai été, mais insupportable. Dans la prison, je suis dans un secteur où il n'y a que des affaires de mœurs. Et c'est encore plus mal vu d'être un violeur qu'un meurtrier ou un grand voleur. Pour comprendre comment le cauchemar de Loïc Séché a commencé, il faut revenir sur l'histoire de son accusatrice, Émilie. Une jeune adolescente scolarisée en classe de quatrième. Aux yeux de ses professeurs, c'est une bonne élève, bien intégrée, épanouie. La jeune fille mène une vie de collégienne, somme toute classique. Mais tout bascule au cours de l'hiver 2000. De moins en moins concentrée en classe, elle affiche un visage triste. Plus grave encore, Émilie souffre de troubles anorexiques et multiplie les crises d'angoisse. En pleine détresse, elle fugue à plusieurs reprises. En cours de français, les élèves sont invités à écrire une rédaction avec comme sujet « Raconter une histoire heureuse ou triste ». Émilie rend une copie alarmante. Son professeur partage son inquiétude avec ses collègues. L'adolescente pourrait être victime de violence. Dans la salle des professeurs, on discute beaucoup de la circulaire concernant les violences sexuelles envoyée 3 ans plus tôt dans les établissements par la ministre Ségolène Royal. Elle invite à entendre la parole de l'enfant qui a trop longtemps été étouffé et à signaler aux autorités judiciaires les confidences des élèves sur les faits dont ils affirment être victimes. Des confidences, Émilie en fait. À sa professeure principale, au médecin scolaire, à sa sœur aînée, car il est question d'un jeune garçon qui aurait tenté d'abuser d'elle, et il s'agirait du fils d'une amie de sa mère. Le samedi 25 novembre, devant la détresse de l'adolescente qui dure depuis des mois, deux professeurs décident de convoquer Émilie en présence d'Élodie, l'une de ses amies. Ils interrogent alors la jeune adolescente pour déceler la cause de son mal-être. Émilie parle peu, ne répondant que par oui ou par non. Dit-elle la vérité depuis le début? Oui. A-t-elle été violée? Oui. S'agit-il d'un membre de sa famille? Non. Au fil de la discussion, elle dévoile le portrait de son agresseur. Il s'agirait d'un ami de ses parents. Sa copine Élodie, telle une greffière, note scrupuleusement toutes ses déclarations. Dans cet extrait de compte-rendu, le profil de l'agresseur se précise. Cet ami est majeur, pas jeune, ne travaille pas, ami proche de sa famille, aurait bu. Ses parents n'auraient plus confiance en lui suite à des réactions bizarres. Cet homme commettait les faits le week-end, chez elle, dès que ses parents partaient. Aussitôt après les confessions d'Émilie, les deux professeurs alertent le principal du collège. Les parents de l'adolescente et les gendarmes sont à leur tour prévenus. L'enquête et les auditions démarrent. À travers le portrait dressé par sa fille, le père d'Émilie n'a que très peu de doutes. Cet homme qui ne travaille pas et qui boit, c'est l'un de leurs voisins. Un certain Loïc Séché. Depuis des mois, il ne le fréquente plus parce qu'il a changé. Il le trouve bizarre. Auditionné par les gendarmes, après son père, Émilie confirme qu'il s'agit bien de Loïc Séché. Et elle détaille trois agressions. En février 2000, il l'aurait forcé à lui faire une fellation. En juillet, il l'aurait agressé, tentant à nouveau de la contraindre à une fellation. Mais la jeune adolescente serait parvenue à s'échapper. Enfin, le 19 novembre, Loïc Séché l'aurait une nouvelle fois agressé chez elle, en l'attrapant par les mains, dans le but de l'amener sur un canapé. Devant les pleurs de la jeune fille, il aurait pris la fuite. Le lendemain, c'est donc au tour de Loïc Séché d'être interrogé, puis, comme nous l'avons vu, d'être incarcéré en détention provisoire. Pendant l'instruction, peu d'éléments viennent confirmer ou infirmer ses viols ou tentatives de viol. L'examen médical révèle qu'Émilie est vierge, mais dans ses accusations, elle a seulement évoqué des fellations. Quant aux experts psychiatres, ils certifient qu'Émilie ne présente aucune tendance à l'affabulation et que rien ne peut mettre en cause la crédibilité de ses propos. L'enquête, menée par un gendarme, qui est également un ami du père d'Émilie, apporte des témoignages accablants sur Loïc Séché. Depuis qu'il est au chômage, il serait devenu alcoolique et aurait eu plusieurs fois des comportements déplacés envers des femmes du village. Dans les cas de viol, où il n'y a ni preuve ni témoin, la confrontation entre victime et agresseur peut éclairer les faits. Pourtant, à aucun moment pendant l'instruction, Émilie n'est confrontée à Loïc Séché. Selon les médecins, elle n'est pas en mesure de supporter une telle épreuve. De son côté, incarcéré depuis plus de 6 mois, Loïc Séché vit un enfer. Il le raconte à ses parents dans une lettre. « Mes parents, je n'ai pas oublié les dates de fête et d'anniversaire. Mais il y en a certaines dont je préférais ne plus me souvenir. Comme le 27 novembre 2000, jour de mon arrestation. Le 13 avril 2001, ma tentative de suicide. Ou encore le 6 mai 2001, mon passage à tabac. J'ai reçu énormément de coups sur la tête et je suis resté 2 jours au CHU attaché à mon lit avec des menottes. Sur mon lit d'hôpital, je me suis même dit que j'aurais préféré qu'ils m'achèvent dans la cour de la prison. Alain et Françoise se battent désespérément pour me sortir de là. Moi, je n'ai plus qu'un espoir, c'est que la prochaine étape soit la dernière. Tout cela en étant innocent. J'imagine que si Dieu existe, je pourrais être déclaré saint. Donc, maman, tu ne peux rien faire et moi non plus. Loïc. Le calvaire de Loïc Séché prend fin après 1 an de détention. Libéré le 2 novembre 2001, il attend son procès plutôt sereinement, comme un innocent. Mais quelques semaines après cette libération, Émilie se présente devant la juge d'instruction. Et elle porte de nouvelles accusations. Lors de 2 agressions qu'elle avait déjà décrites, il l'aurait par ailleurs sodomisée. Elle aurait occulté ses actes dans ses premières déclarations car elle n'avait pas réussi à les raconter tant ils sont dégradants. Devant la juge, elle explique que si elle parle maintenant, c'est parce que Séché doit payer pour tout ce qu'il a fait. Elle ajoute « J'ai été dégoûtée que lui soit libéré alors que moi, je suis toujours enfermé dans un hôpital. Je le hais. » Le 10 décembre 2003, le procès débute devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes. 3 jours d'audience sont prévus. Devant le manque de preuves matérielles et l'absence de témoins, ce sont des paroles et 2 paroles qui s'affrontent. Loïc Séché clame son innocence et il développe « Je suis accusé à tort car je suis victime d'un complot ». Selon lui, certains habitants du village voudraient récupérer ses terres et sa source d'eau. L'effet produit sur les jurés est catastrophique. À cela s'ajoutent les auditions des témoins qui viennent en nombre décrire Loïc Séché comme un alcoolique invétéré, un homosexuel pervers et un dépressif aux pulsions violentes. Le coupable idéal, en somme. Le 2e jour, c'est au tour d'Émilie de venir témoigner. Le procès se tient à huis clos et Loïc Séché doit lui aussi quitter la salle lors de l'audition de la jeune fille. Il n'y aura toujours pas de confrontation. Les jurés voient une adolescente fragile et dévastée confirmer ses accusations. Leurs mains tombent, le verdict, 16 ans de prison. Loïc Séché retourne en enfer. S'il est vraiment innocent, il subit le pire calvaire qu'un être humain socialisé peut subir. Enfermé, alors qu'il devrait être libre. Incarcéré à la prison de Rennes, il est agressé quotidiennement de surcroît dans les douches et les vestiaires. Ciblé comme homosexuel et pointeur, il perd la dernière chose qui lui reste, son intégrité physique. Le 24 mai 2004, nouveau procès en appel. Même verdict, 16 ans. Son pourvoi en cassation est rejeté, Loïc Séché est donc résigné. Il s'apprête à passer de longues années en prison. Dans un reportage de France 2 diffusé en 2012, il se confie sur ses premières années de détention. Il y a eu des moments très difficiles. J'ai été 2 ans sans voir le soleil. On était assis dans une cellule de 15 mètres carrés. On ne pouvait pas sortir en promenade parce que j'étais catalogué comme pointeur. Voilà les pires moments de ma détention. 2 ans sans voir le soleil. Retranché dans sa cellule pour éviter les agressions, Loïc Séché broie du noir, désespéré. Mais quel mot employer pour viser au plus juste, traduire la souffrance morale atroce que subit cet homme. Le 30 octobre 2005, il envoie une lettre à ses parents. Mes parents, nous voilà à la Toussaint. Et croyez-moi, je préférais faire partie des morts que l'on va honorer plutôt que des vivants. Je me sens tout seul. La maladie ou la mort ne me font pas peur. Ce serait même une grande délivrance. Je ne veux plus me battre durant le restant de mes jours contre l'institution judiciaire qui de toute façon n'admettra jamais qu'elle a fait une erreur. Votre fils innocent, en prison. Loïc. Son salut, Loïc Séché va le trouver grâce à une amitié et à la découverte du Coran, une lecture qui l'apaise. Il se plonge également dans la Bible et la Torah qui lui redonne l'espoir. Un sentiment entretenu par son comité de soutien, créé par 2 de ses anciens voisins, Maurice Tarot et Daniel Picard. Les 2 hommes luttent pour médiatiser l'affaire et prouver, surtout prouver l'innocence de Loïc Séché. En avril 2008, coup de théâtre, comme on dit dans la chronique judiciaire. Maurice Tarot se rend par Loire pour annoncer à Loïc Séché une information capitale. La mine radieuse, il lui dit « Écoute Loïc, j'ai une excellente nouvelle. » Avant d'enchaîner aussitôt, Émilie a parlé. Elle a dit qu'elle avait menti. Loïc Séché le savait. La vérité finirait par éclater. Il est innocent. Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé, le soleil se lève aussi. Et plus forte est sa chaleur, plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé, le soleil se lève aussi. J'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer. Pour voir ce sourire d'enfant, pour ce cahier déchiré. Pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer. Le soleil se lève aussi. Le soleil se lève aussi. Le soleil Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, pour la noirceur du soleil, sur le sable des marées, pour ta beauté au réveil, pour mon calme retrouvé. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. J'ai sous-signé Émilie, déclare avoir accusé à tort Loïc Séché. Je n'ai pas été victime de viol ni d'agression sexuelle de sa part. J'étais dans une période de confusion mentale et j'ai fini par être persuadée de ce que j'énonçais. Les adultes qui m'entouraient et mes parents m'ont soutenue en toute bonne foi, en m'accompagnant dans ma plainte. Loïc Séché est innocent et je ne supporte plus de le savoir en prison. Émilie. Cette lettre, Loïc Séché la tient dans ses mains avec émotion. Maître Yann Chouk, son avocat, lui apporte au parloir et lui explique. Nous allons déposer une demande en révision de votre condamnation. Une quoi ? Une demande de révision. La lettre d'Émilie, vous savez, c'est un élément nouveau dans votre affaire et nous allons tenter un autre recours pour vous faire sortir d'ici. Je préfère vous prévenir que c'est une procédure qui aboutit rarement, mais je vais tout mettre en œuvre. Il faut que vous gardiez espoir. Au moment où son avocat lui explique cette procédure, seuls 6 condamnés ont été blanchis par un procès en révision depuis 1945. Alors, même s'il n'a jamais fait d'aveu, qu'il n'y a aucune preuve et qu'Émilie a retiré ses accusations, le chemin vers un acquittement est encore très long. Car la justice française fait rarement marche arrière. De son côté, Émilie vit toujours dans une profonde détresse. Quand elle n'est pas internée en hôpital psychiatrique, elle passe son temps à boire et à fumer des joints dans son petit appart. Elle ne supportait plus de vivre avec son mensonge. Et c'est avec son avocate, maître Cécile de Oliveira, qu'elle a rédigé cette lettre qui innocente Loïc Séché. Devant les caméras de France 3, l'avocate explique la démarche d'Émilie. Elle a voulu, avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité, prévenir la justice pour bien évidemment que Loïc Séché sorte de détention. Loïc Séché, toujours incarcéré, réagit lui aussi dans une interview téléphonique accordée à des journalistes. Pour moi, elle a été une otage. Elle a été victime de pression de son entourage et la pauvre, oui, je pense qu'il y a longtemps moi, que j'ai compris qu'elle était victime. C'est pour ça qu'elle ne lui en veut pas du tout. La vraie question, celle qui mobilise maintenant Loïc Séché, son horizon, c'est la sortie de prison, bien sûr. Mais quand ? Le 13 octobre 2008, la commission de révision ordonne un supplément d'information. La lettre de rétractation d'Émilie n'est pas jugée suffisante pour saisir la cour de révision. La procédure se prolonge. En mars 2009, c'est un nouveau rejet de sa demande de mise en liberté. La même année, un nouvel avocat prend la défense de Loïc Séché. Il s'agit d'un ténor du barreau connu pour avoir obtenu de nombreux acquittements, Éric Dupont-Moretti, qu'on ne présente plus. Le 14 décembre, la révision du dossier Loïc Séché est enfin acceptée. Cela signifie que la cour de révision va statuer sur son cas, mais il ne retrouve pas pour autant la liberté. Éric Dupont-Moretti réagit au micro de France Inter. C'est abracadabrantesque. On a un mal fou dans ce pays. Dire que la justice s'est trompée, et elle s'est trompée, c'est une évidence pour tous ceux qui connaissent le dossier. Alors là, c'est une décision, évidemment, qui est une décision merveilleuse, en ce sens que Séché peut espérer un nouveau procès. Mais en même temps, on le maintient en détention. Alors qu'il est resté libre durant toute la procédure d'instruction. Car d'emblée, le juge d'instruction avait estimé qu'il y avait un certain nombre de difficultés dans ce dossier. On a ce mal-là dans notre pays. Les juges ont du mal à juger les juges et la justice. Mais voilà, je suis à la fois ravi, très heureux. Mais pourquoi on ne va pas au bout et pourquoi Séché n'est pas remis en liberté? C'est extraordinaire. Il y a 9 ans d'incarcération pour un innocent. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous savez, en France, on rentre beaucoup plus facilement en prison que l'on en sort. Hein. 3 mois plus tard, Loïc Séché se présente devant la cour de révision. Les magistrats qui composent cette cour peuvent prendre 3 décisions. Rejeter la demande de révision, annuler la condamnation ou renvoyer vers un nouveau procès. Pendant l'audience, maître Éric Dupont-Moretti insiste sur le profil fragile d'Émilie. Cette jeune femme est malade. Elle a accusé nommément 7 personnes de l'avoir abusée sexuellement, dont son père. L'avocat revient également sur l'épisode de l'agression au cutter avant le premier procès aux assises. Émilie l'a avoué, elle s'était à l'époque automutilée et avait inventé des menaces. La cour de révision rend sa décision 2 semaines plus tard. Et ce 13 avril 2010 est un jour historique. Loïc Séché est libéré et sera rejugé 3e fois devant une cour d'assises. Mais maître Dupont-Moretti ne comprend toujours pas pourquoi la cour de révision n'a pas annulé tout simplement la condamnation. Pour lui, 3e procès complètement inutile. Il fait part de la déception de Loïc Séché aux caméras de France 3. Il n'a pas dit grand-chose. Il est évidemment content de recouvrer la liberté. Pour le reste, je pense qu'il est déçu de devoir affronter un nouveau procès parce que, à 2 reprises, les 2 cours d'assises l'ont condamné au bénéfice du doute. Nous le savions, la plaignante venait expliquer que les accusations n'étaient pas fondées, qu'elles ne correspondaient à rien. Il faut encore repasser par cette épreuve. Nous allons le faire parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Enfin libre, Loïc Séché va pouvoir savourer ses premières heures de liberté avant de penser au 3e procès qui se profile. Lorsqu'il se rend dans la prison pour récupérer ses affaires, le directeur vient à sa rencontre. Loïc Séché, dont l'affaire n'était que peu médiatisée, fait désormais la une du JT. Débordé par cette médiatisation, il exprime une demande surprenante au directeur de la prison. Est-ce que je peux rester ici une nuit supplémentaire? Je ne veux pas ressortir et affronter la foule de journalistes. Ils m'ont suivi depuis Paris. Ils sont des centaines. Je vous jure, c'est terrible. Mais enfin, lui répond le directeur, c'est impossible. Vous êtes libre. C'est réaliste. Loïc Séché, qui a passé 2655 jours en détention, se dirige vers la sortie. Dans toute la prison, les détenus frappent sur les portes pour fêter sa libération. 2 jours après, il accepte de témoigner devant des journalistes de France 3 et il adresse un message à Émilie. Je souhaite à Émilie, c'est de pouvoir, comme je l'ai déjà dit, se reconstruire le plus vite possible, de trouver la paix et surtout qu'elle ait elle aussi un entourage qui lui permette de l'aider parce que c'est pas toute seule qu'elle peut avancer. Quand on a subi des épreuves comme moi et Émilie, où nous sommes tous les deux victimes d'un dysfonctionnement de l'institution judiciaire, on a besoin d'aide pour se reconstruire. Avant de se reconstruire, Loïc Séché et Émilie vont devoir affronter donc 3e procès aux assises. Après Nantes en 2003 et Rennes en 2004, c'est à Paris que les jurés vont décider du sort de Loïc Séché. Ce 20 juin 2011, il se présente au tribunal. Regard fixe, épaules raides, il comparaît libre. Cela fait plus d'un an qu'il est sorti de prison. Lorsque la présidente lui demande « Que répondez-vous aux accusations de viol, d'agression sexuelle ?» Loïc Séché réaffirme ce qu'il a toujours dit « J'ai toujours clamé mon innocence ». Comment expliquez-vous alors ces accusations ?« Je me suis cogné la tête contre les murs pour essayer de comprendre, sans jamais y arriver ». Tenter de comprendre ce qui a poussé Émilie à porter des accusations aussi graves, c'est bien là tout l'enjeu de ce procès. Au 2e jour d'audience, le gendarme qui a mené l'enquête répond aux questions. Combien d'hommes Émilie a-t-elle mis en cause ? Lui demande Maître Dupont-Moretti. Le lieutenant de gendarmerie énumère alors 5 hommes, dont le propre père d'Émilie, qu'elle a accusé de plusieurs viols devant une amie. La présidente interrompt le gendarme, et cela ne vous a pas troublé ? Pour seule réponse, il hausse les épaules. Pour Cécile de Oliveira, l'avocate d'Émilie, le problème vient du manque d'expérience des gendarmes dans le recueil de la parole d'une adolescente en détresse, et elle l'explique au micro de France Inter. On a vu que les auditions filmées de mineurs démarraient tout juste. C'est-à-dire qu'on était dans le balbutiement d'une réflexion sur la manière dont on doit entendre les victimes d'abus sexuels mineurs. Moi, j'ai le sentiment d'une adolescente qui était entendue très régulièrement à la gendarmerie, notamment ultérieurement pour des fugues, et donc une adolescente qu'on avait envie de protéger, de sauver. Et donc l'idée, c'était de réparer, bien sûr, le malheur de cette jeune fille. Dix ans après le début de l'affaire, Loïc Séché pose un regard sur celle qui a bouleversé sa vie, son regard, très personnel. Émilie a maintenant 25 ans. Habillée de rose pâle, elle a le visage bouffi par les médicaments. À côté d'elle, un psychiatre veille constamment sur elle. Parfois, il ouvre un pilulier et tend un cachet à la jeune fille. Au fil des auditions, la cause de son malaise de jeune collégienne est dévoilée. À l'époque, elle a, parfois sous la contrainte, masturbé des camarades à plusieurs reprises dans les toilettes, dans les vestiaires et dans une salle de classe. Alors des bruits ont couru dans le collège. La jeune Émilie n'a pas dénoncé ses camarades. Interrogée par la présidente, l'un des collégiens assure qu'Émilie était entièrement d'accord. Et alors Maître Dupont-Moretti s'emporte. « Vous ne risquez rien sur le plan pénal, il s'agit simplement d'être courageux. Vous nous diriez « oui, j'étais gamin, j'ai un peu forcé, j'ai fait des conneries, on aurait compris l'enjeu ici ». En montrant Loïc Séché, regarde-le, c'est sa liberté. Le troisième jour d'audience se tient à huis clos pour recueillir le témoignage d'Émilie. Elle paraît prostrée, les traits tirés. Loïc Séché lui assure que rien de ce qui est arrivé n'est de sa faute. Timidement, elle réaffirme l'innocence de Loïc Séché. S'ensuit une scène quasi inédite dans une cour d'assises. Il s'approche et se serre dans les bras. Loïc Séché lui glisse quelques mots près l'oreille. L'avocat général, François-Louis Coste, interpelle alors Séché. « Je tiens à vous dire que j'admire votre courage, qui est en plus le courage d'un homme de paix. Vous êtes resté toujours aussi paisible, alors je m'incline. » Et dans son réquisitoire, il déclare « Je crois convenable pour le bien de la justice que M. Séché soit acquitté. » Dans ce procès, tout le monde est d'accord. Il est grand temps de réhabiliter cet homme injustement condamné. Les jurés ne s'y trompent pas. Après un court délibéré, le verdict tombe. C'est bien l'acquittement. À la sortie de la salle d'audience, Loïc Séché réagit devant la nuée de caméras qui l'attend. Tenir ce troisième procès à Loïc, il était nécessaire ? Je pense que pour Émilie, il était nécessaire. Pour qu'elle puisse se reconstruire. Vous pensez à quoi, Loïc, maintenant ? À la seconde près ? À me reposer parce que j'ai quand même passé une semaine animée. Et c'est avec un petit sourire qu'il quitte les journalistes et le tribunal, en homme libre et sans rancœur. Son avocat, Éric Dupont-Moretti, tient quand même à souligner à quel point son client a souffert des dysfonctionnements de toute la chaîne judiciaire. Erreur énorme commise par les gendarmes, erreur énorme commise par le juge d'instruction, erreur énorme commise par les différents psychiatres. Tout ça, ça a généré 7 ans et demi de malheur pour lui, pour la petite. La petite, comme dit Maître Dupont-Moretti, est retournée en hôpital psychiatrique. Loïc Séché est passé lui déposer ses coordonnées sur un bout de papier, oui, au cas où, si un jour, elle a besoin de lui parler. Il ne lui en veut pas, ça paraît clair. Et il doit maintenant penser à lui, à sa nouvelle vie qu'il va essayer de reconstruire. Pendant ses 11 années de calvaire judiciaire et carcéral, il a tout perdu. Sa ferme, ses terres, qui ont été vendues pour payer les frais d'avocat. En attendant d'être indemnisé par la justice, Loïc Séché vit avec le RSA et la solidarité de quelques amis. Mais le 25 septembre 2012, la Cour d'appel de Rennes accorde à Loïc Séché une indemnité de 797 342 euros. Bien. Mais peut-on vraiment chiffrer avec une somme d'argent le calvaire que cet homme a enduré? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. L'affaire Loïc Séché dont nous allons parler avec notre invité qui a été l'avocate, qui est l'avocate d'Émilie, maître Cécile de Oliveira, en direct de Nantes. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes là devant ce qu'on appelle une erreur judiciaire. Dans le terme erreur judiciaire, il y en a un qui fait bien euphémisme, hein, erreur. En fait, les erreurs judiciaires sont des catastrophes humaines. Où est-ce qu'elles se fomentent, où est-ce qu'elles se cimentent plutôt, ces erreurs judiciaires, parce qu'évidemment, il n'y a rien de prémédité, du côté de la garde à vue, des experts, du juge d'instruction, du contexte politique, parfois, là c'est pas le cas, mais ça peut arriver. Oui, vous avez raison de vous poser cette question, parce que c'est une question vraiment complexe. Oui. Dans le cas d'Émilie et de Loïc Séché, l'erreur, elle commence probablement très tôt, c'est-à-dire dans la salle des profs, où Émilie va être entendue par des professeurs qui ont à cœur, évidemment, de recueillir la parole d'une jeune fille dont ils imaginent qu'elle a été victime d'abus sexuels. Et en réalité, c'est probablement là que démarrent les réponses par oui ou par non d'Émilie, qui vont ensuite amener les professeurs à avoir une conviction. Et en fait, cette conviction, elle va passer des professeurs, qui sont en toute bonne foi, aux parents d'Émilie, aux gendarmes, aux juges d'instruction et aux experts. Elle va circuler, cette conviction, qui repose sur la nécessité pour ces adultes de bonne foi, de réparer le malheur et la souffrance d'une jeune fille. C'est étonnant. C'est étonnant, et surtout de la part de gendarmes et du juge d'instruction, parce qu'après tout, les professeurs, oui, ils pensent bien faire. Évidemment, les autres personnes, ce sont leur métier tout de même. Je suis d'accord avec vous. Mais les gendarmes qui enquêtent sur l'affaire sont des gendarmes qui sont de la brigade de Varade, qui est un petit bourg, et qui est essentiellement tournée vers l'activité du contrôle autoroutier. Et l'audition des mineurs victimes, c'est bien différent. Bien sûr. Depuis, on a créé en Loire-Atlantique et dans tous les départements des cellules d'audition spécialisées des mineurs victimes. Mais à l'époque, c'est pas le cas. Et Émilie va être auditionnée dans des conditions qui sont extrêmement éloignées du protocole qui a été mis en place depuis pour entendre les mineurs victimes. J'espère que ça amènera moins d'erreurs judiciaires dans ce domaine aussi complexe. Alors, racontez-nous comment vous entrez en scène dans cette affaire, puisque vous n'êtes pas la première avocate d'Émilie, mais c'est vous qui allez l'aider à écrire la lettre de rétractation. Ça, j'imagine que c'était un moment très fort pour une avocate, se dire que là est en train de se construire finalement la fin d'une erreur judiciaire, parce que non, c'était pas gagné, certainement, mais vous aviez évidemment le sentiment que c'était une pièce extrêmement importante et qu'on allait probablement réparer l'erreur. Quand je rencontre Émilie Reduro, c'est au mois de mars 2008. Je vais la rencontrer à plusieurs reprises, puisque quand cette jeune fille vient me voir, elle vient me voir pour me dire, voilà, j'ai accusé à tort un homme. Alors en réalité, c'est pas elle qui porte l'accusation, hein, c'est le parquet, hein, le procureur et l'avocat général aux assises. Mais elle se sent, elle, accusatrice de Loïc Séché. Je vais rapidement comprendre qu'un homme a été condamné par deux cours d'assises, celle de Nantes puis en appel celle de Rennes, et qu'un homme a été condamné à 16 années de réclusion criminelle et qu'il est actuellement en prison. C'est évidemment un moment très fort dans la vie d'une avocate ou d'un avocat. C'est un moment évidemment tout à fait unique et j'ai le souvenir très précis de 7h, il était 13h, où après avoir consulté le dossier pendant un week-end d'une façon très intense et après avoir revu Émilie pour la troisième fois, on convient toutes les deux qu'elle va rédiger cette lettre. Elle me remet cette lettre dont on discute évidemment ensemble les termes et je vais avoir une sorte de vertige professionnel, vous en avez probablement eu. Et là, le sentiment que, ben oui, cette lettre, elle va partir sur le fax de la cour d'appel au parquet général et qu'elle va déclencher très rapidement une procédure de révision. Je suis alors bien optimiste, parce qu'il faudra des mois pour que le parquet réagisse. Avant que le parquet ne réagisse. Et pourquoi? Alors là, est-ce qu'on entre dans la psychologie de l'appareil judiciaire, c'est-à-dire cette difficulté à reconnaître que la justice peut se tromper? Alors évidemment, si la justice reconnaît qu'elle peut se tromper, c'est terrible pour les procès qui viennent après, mais en même temps, la justice doit dire, quand elle s'est trompée, qu'elle s'est trompée. Elle est entre deux logiques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est entre les deux plateaux, c'est-à-dire le plateau de la stabilité de la justice, qui fait que les décisions judiciaires constituent une sorte de socle social indispensable pour que les victimes aient le sentiment d'une fiabilité des décisions de condamnation. Et puis, dans l'autre plateau, il y a la présomption d'innocence et le fait que un homme doit pouvoir être reconnu innocent, y compris, c'est la procédure de révision, après deux jugements, deux arrêts définitifs de cour d'assises. C'est cette procédure tout à fait exceptionnelle, qui est très complexe sur le plan technique, sur le plan judiciaire, et qui va donner lieu, dans le cas de Loïc Séché, à de nombreuses réunions de la cour de révision, de la commission de révision, avec un processus de complément d'enquête, qui va aboutir enfin à une décision de révision qui est évidemment une énorme victoire pour la défense, mais aussi pour Émilie Reduro, qui est à ce moment-là partie civile. Et imaginons que Loïc Séché ait fait des aveux. Bon, il se trouve, heureusement pour lui, qu'il n'en a pas fait. Est-ce que la commission de révision, alors vous allez me dire, on est dans le virtuel, d'accord, mais est-ce que vous pensez que la commission de révision aurait accepté de porter son dossier jusqu'à la cour de révision s'il y avait eu aveu? Ça a été un vrai combat, hein, la cour de révision. Ça a été un combat où mon confrère Dupont-Moretti et moi-même, on s'est déplacés à de nombreuses reprises devant la commission de révision, puis devant la cour de révision. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'arrêt de la cour de révision tombe le 13 avril 2010, On ne savait pas si le combat était gagné. Loïc Séché était maintenu en détention pendant toute cette période de la procédure de commission de révision. Il était maintenu en détention parce que le parquet s'opposait à la révision. Donc c'était vraiment sur un fil. Et je pense que l'arrêt courageux de la cour de révision du 13 avril 2010, qui ordonne cette révision et qui ordonne qu'un troisième procès de cour d'assises aura lieu, mais cette fois-ci à Paris, cet arrêt-là, il n'était vraiment pas évident. Et j'ai le souvenir, là aussi, d'un soulagement immense quand cet arrêt de la cour de révision intervient. Soulagement de Loïc Séché, d'Émilie Reduro, de mon confrère Dupont-Moretti et de moi-même. Ah, merci pour cette réponse qui est très intéressante. Mais je reviens quand même sur ma question et la première partie de la question. Si Loïc Séché avait fait des aveux, je dis ça parce que nombre de justiciables font des aveux parce qu'ils sont intimidés par la garde à vue. Est-ce que le fait de faire des aveux aurait pu coincer la procédure? Oui, je pense. C'est pas une certitude parce que je ne suis pas évidemment à la place des magistrats qui ont participé à cette rédaction de l'arrêt de la Cour de révision, mais ça aurait été un point extrêmement négatif. Et vous avez raison de souligner le fait que dans de nombreuses procédures, et notamment de procédures de viol, des personnes passent des aveux en étant innocents parce que la fatigue de la garde à vue, parce que la pression sociale, parce que la pression psychologique est telle que des aveux peuvent finir par être passés. Parce qu'il est plus confortable, c'est étonnant, hein, mais il est plus confortable de passer des aveux que de rester un innocent faussement accusé. La cour de révision décide donc d'un troisième procès. J'imagine que vous n'étiez pas d'accord, tout comme Éric Dupont-Moretti. Pourquoi un troisième procès si des preuves sont apportées selon lesquelles il est innocent et qui ouvre la voie à la révision? Pourquoi faire un troisième procès? La cour de révision avait une alternative. C'est l'article 625 du Code de procédure pénale qui permet à la cour de révision soit de considérer qu'il y a suffisamment d'éléments pour innocenter et donc mettre à néant les précédentes décisions, soit, quand c'est possible, c'est-à-dire quand les personnes sont vivantes, évidemment, d'ordonner qu'un autre procès ait lieu. Elle a fait ce choix. Dans un premier temps, on a pu être déçu et, je dirais, un peu stressé à l'idée qu'il y aurait un autre procès de cour d'assises, parce que procès de cour d'assises, ça veut dire juré, et ça veut dire donc... risque potentiel. Voilà, prise de risque potentiel pour Loïc Séché et pour Émilie Reduro. 5 jours de procès, à nouveau une épreuve pour Loïc Séché, une épreuve pour Émilie Reduro, bien sûr. Et puis, une situation très complexe pour des jurés, de dire, après 2 procès de cour d'assises avec d'autres jurés, nos collègues jurés de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine se sont trompés, et nous, jurés de la cour d'assises de Paris, on dit quelque chose d'autre. Oui, bien sûr. Alors, le troisième procès, ce qu'on retient, c'est que, et c'est un des éléments clés de l'affaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre Loïc Séché et Émilie au prétexte qu'elle était trop fragile pour subir une confrontation. D'accord? Absolument. Oui, mais enfin, l'argument est recevable, mais d'un point de vue purement judiciaire, il est assez frustrant quand même. D'un point de vue judiciaire, il est frustrant et c'est vrai que la Cour européenne insiste sur la nécessité des confrontations, notamment dans ce domaine, quand les personnes accusées les réclament. Aujourd'hui, je pense que juridiquement, la confrontation aurait été réalisée. Alors, au premier procès de la Cour d'assises à Nantes, Émilie Reduro avait été entendue hors la présence de l'accusé. C'est-à-dire qu'on avait fait ce qui est tout à fait exceptionnel, retirer l'accusé pour qu'Émilie Reduro soit entendue. Devant les gendarmes, pas de confrontation. Et devant le juge d'instruction, pas de confrontation non plus. Elle est refusée à Loïc Séché, qui la demande par l'intermédiaire de son avocat. Donc là, cour d'assises de Paris, ça a été probablement un des moments les plus importants. Émilie Reduro et Loïc Séché sont dans la même enceinte de justice, dans la cour d'assises de Paris. Et là, ils vont pouvoir, vous l'avez rappelé tout à l'heure, échanger un regard et probablement quelques mots. Oui, alors c'est l'autre dimension de l'affaire. Comment un homme injustement accusé par une jeune fille, ce qui provoque un véritable cauchemar qui dure des années, eh bien ne lui en veut pas. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On va écouter un extrait de France 3 d'octobre 2010 où vous vous exprimez à la fin de ce troisième procès. J'ai été très très impressionnée que Loïc Séché et Émilie arrivent à se à se parler, ils ont tourné la tête l'un vers l'autre, ils se sont regardés, ils se sont tutoyés, ils se sont reparlés, probablement comme avant l'histoire. Alors j'en viens à vous demander si finalement et au bout du compte, vous n'étiez pas satisfaite que ce troisième procès ait lieu parce que c'était aussi important pour Émilie et pour sa famille. Si, effectivement, on est sorti de ce troisième procès avec le sentiment que la justice avait été pleinement rendue et qu'elle avait été rendue pleinement pour Loïc Séché, mais aussi pour Émilie Redureau. C'était tout à fait... Alors, la Cour d'assises de Paris a été remarquablement présidée, et ça, bien évidemment, cet élément-là a été essentiel, que la qualité, la très grande qualité des magistrats a permis qu'un procès d'une très grande dignité, d'une très grande tenue puisse se tenir. Alors, ça pose aussi la question du recueil de la parole auprès d'enfants, auprès d'ados. Et je crois que cette histoire croise l'affaire Outreau, hein, dont on a tiré, j'imagine, et j'espère, beaucoup de leçons. On est dans cette thématique-là aussi, hein. Oui, on est dans cette thématique, si vous voulez, d'une sorte de balancier entre le souhait de protéger les enfants victimes d'abus sexuels dont la parole est fragile, dont la parole peut être changeante, dont la parole peut être influencée par les adultes, et on sait à quel point il est important pour des personnes, et surtout des enfants victimes d'abus sexuels, que de pouvoir être entendus, reconnus, et d'être protégés par une décision de justice, et la protection des adultes qui peuvent être mis en cause. Et il y a une forme de balancier de la justice qui va tantôt donner le focus à la présomption d'innocence et tantôt mettre le focus sur la protection des enfants victimes. On est dans cette période extrêmement complexe qui amène des décisions qui ont été surprenantes. Il y a aussi la parole des experts. Je voudrais qu'on en parle parce que dans le récit, on voit à quel point parfois ils s'avancent quand ils, en gros, pour résumer leurs propos, ils disent, une ou deux fois, je ne sais pas, mais ils le disent, que cet homme, Loïc Séché, est potentiellement dangereux d'un point de vue sexuel. Ils le disent potentiellement. C'est la responsabilité des experts. Quand il y a erreur judiciaire, il faut en parler. Ah oui, oui, vraiment, il faut en parler. Là, dans cette situation, c'était vraiment terrifiant. À quel point les experts avaient asséné des inepties avec certitude. Il y avait comme une espèce de confort des experts, psychologues et psychiatres, pour considérer que Loïc Séché était un homme qui clamait son innocence parce qu'il était pervers, puisqu'il était coupable, et puis un consensus des experts pour considérer qu'Émilie Redureau était totalement crédible et était gravement victime de viol par un adulte. C'était assez terrifiant. Les experts, je crois, ont passé une mauvaise demi-journée à la cour d'assises de Paris. J'ai le souvenir de moments difficiles pour eux. Mais on est là dans cette grande difficulté que d'avoir besoin d'expertise psychiatrique d'abord pour savoir si la personne qui est accusée est responsable ou non des faits dont on l'accuse, si elle souffre d'une pathologie mentale, et puis de voir si les faits ont sur les victimes des conséquences importantes sur le plan psychologique. Et là aussi, si vous voulez, il y a une sorte de ronron confortable qui amène chacun à ne plus réfléchir, y compris les experts dans cette situation, qui se confortaient les uns les autres. Mais oui. Maître Oliveira, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour ce témoignage que vous nous avez livré donc autour de cette affaire. Les erreurs judiciaires, il y en a peu. Heureusement qu'il y en a peu. Mais quand il y en a, évidemment, elles nous interpellent. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Loïc Séché, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Paul Percheron qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Opinel, Adrien Cara, Adrien Mora et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Prigliolet, Stéphanie Valois. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Comédien, Damien Prévost et Aurélien Labrouillère. Réalisation, Coyenne Guyenne, Hélène Bizio, Benjamin Riquet et Jérôme Chélius.